sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission 384, Trirand Père à Pergun. Et quel mot on voit, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'ai pensé traiter un prénom, Fanch. Donc, qu'on prononce souvent Vange, d'ailleurs, ici, hein, dans le Kreis Breiz, ici. Donc, j'ai pensé à ça, parce que, bon, ça correspond au prénom François, qui est très à la mode actuellement, hein, puisqu'on a un pape et un président qui s'appellent comme ça. Voilà. Et c'est un prénom, en fait, c'est un prénom ancien, mais qu'on voit réattribuer quand même. Il a réussi à lutter contre l'usure du temps. Et donc, on le voit souvent attribué encore. Et alors, ce prénom signifie français. Hein. Mmh. On disait François autrefois, hein, la langue françoise. Et par exemple, en italien, c'est Francesco. Donc, du latin, hein, on a entendu il n'y a pas longtemps. Hein, Abemus papam Francescum. Hein, voilà. Donc, alors c'est le nom de 65 saints et bienheureux. Donc on a le choix, hein, dans les saints François, il y en a beaucoup. Bon, évidemment, il y en a qui sont plus connus que d'autres, il y en a trois, hein, essentiellement, qui sont dans le calendrier romain. Il y a donc le plus connu, c'est saint François d'Assise, hein, le Poverello, hein, qu'on disait en italien, et qui a créé l'ordre des franciscains. Hein, donc ça vient, hein, on voit la racine, hein, franciscain. Il y a saint François de Sales, qui a donné, lui, le nom des Salésiens, et saint François Xavier, qui n'a pas donné de nom d'ordre. Donc on a plusieurs fêtes dans l'année, hein. Le 4 octobre, hein, la plus importante, c'est le 4 octobre, saint François d'Assise. Hein. Par exemple, il y a des proverbes, hein, « Sème ton blé à la saint François, tu auras du blé de bon poids ». Ça, c'est le 4 octobre. Autrement, Saint-François de Sales, c'est le 24 janvier, et Saint-François-Xavier, le 3 décembre. Alors, en breton, on a plusieurs mots. Françaises, hein, françaises. Par exemple, quand on parle des franciscains, justement, on dit « urzande françaises ». C'est pas tellement usité, hein, on utilise plutôt « fanche » ou « soïque ». Soïque, c'est assez utilisé aussi. Hein. On connaît des soïques, hein. On en connaît quelques-uns. Alors, il y a aussi le nom d'origine en français qui passe en breton dans certains cas. Par exemple, quand c'est suivi de Marie, donc c'est Maille en breton, on dit pas Fange Maille, on dit François Maille. Et on fait la mutation d'ailleurs souvent, on dit François, hein, François Maille. Alors il faut savoir aussi que la forme du nom de la personne en breton, c'est toute une identité, quoi. C'est-à-dire qu'on l'appelle une personne, on l'appelle toujours pareil. Hein. Donc c'est le prénom devant, bien sûr, et pas comme dans les formulaires administratifs. Hein. Et le nom dans la foulée. Et ça finit par faire un mot prononcé dans la foulée comme ça, qui définit l'identité. Mmh. Et par exemple, ici, il y avait des gens qu'on appelait François, comme François Vey, par exemple, du Lord, hein, et d'autres qu'on appelait Fange, comme Fange Comte du Bourg de Pemrit, qui était forgeron. Et une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Et les gens seraient très déroutés si on donnait une autre forme, quoi. De même que les gens qui s'appellent Soïc, c'est toujours Soïc. Hein. Mmh. On va pas un jour les appeler Fange. Voilà. Alors il y a aussi d'autres formes, par exemple Potvanche. Potvanche. Moi j'avais un oncle qu'on appelait toujours Potvanche, garçon François. Voilà. Parce qu'il y avait plusieurs François dans la famille. Ou... Oui, puis c'était venu comme ça, quoi. Hein. Mm-hmm. On ne sait pas trop comment ça naît, mais après ça devient une identité. Alors il y a aussi le diminutif Fanchic. Hein. Mm-hmm. Fanchic. Par exemple, il y a une chanson Fanchenard, ouais. Où le gars ça s'appelle Fanchic, hein. Moi Fanchic, je réclame votre fille à marier, quelque chose comme ça, hein. Voilà. Et alors souvent le nom Fanch désigne aussi des personnages de contes, hein, ou des personnages de chansons, quoi. Par exemple, Vengelutune, hein, mm-hmm. le lutin dans la chanson qui se danse en polka, hein. Ami houles Vengelutune d'ober au Bartigranine, hein. Vengelutune, hein. Donc, comme un des prénoms qu'on attribue souvent dans les contes à certains personnages. Il y a aussi, tiens, pendant qu'on parle de Fanch, il y a un camélia qui s'appelle Fanchermoil, hein, du nom de Fanchermoil, qui est collectionneur de camélias bien connu, qui passe de temps en temps à RKB. Voilà, on le salue s'il nous écoute. Et alors, en galop, on a un diminutif qui est Chino. Les François, donc, qui sont surnommés Chino. Et c'est d'ailleurs le surnom des habitants de Plainhaut, de Plainhaut, hein, qui s'appellent les Chinos. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme les Fanches par ici, puisque ici, c'est le Brofanche. Mmh. Alors, les Chinos, c'est les Fanches du pays gallo. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait parler beaucoup de Brofanche, hein, parce que le Brofanche, il y a un breton particulier, hein, Loïs Humphreys disait que c'était, qu'il avait appris le breton du Brofanche et qu'il était franchophone. Et il disait, Diwan de Brenberg, que c'était un écrivain franchophone aussi, quoi. Voilà. Alors, on retrouve ça d'ailleurs assez curieusement dans les diminutifs dans le pays gallo, Fanchon et Fanchette, qui sont dérivés du mot breton, quoi, hein. Il y avait une chanson autrefois que j'ai entendue chanter par Stanislas Milbeau. Stanislas Milbeau, c'était un gars de Carnoët qui était monté à Paris et qui était devenu un peu le Tino Rossi des Bretons de Paris. Il était dans tous les repas des associations et il chantait ça, la Fanchette. Vous connaissiez tous la Fanchette que j'aimais avant d'embarquer. Voilà, c'était une chanson sur un amour contrarié. Voilà, Fanchette. Alors, bien sûr, il y a le prénom féminin, Françoise, hein, qui ici donne Soise. Hein. Mm-hmm. On a connu des tas de gens qui s'appelaient Soise, hein, ou Soisic. Le diminutif, c'est Soisic. Voilà. Ben, on a fait un petit peu le tour sur Fanch. Hein. Il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire. Et puis ici, nous sommes aujourd'hui dans le Brofanch. Voilà, à Pembride, c'est le Brofanch. Très bien, merci Henri. On passe à la deuxième partie de l'émission. Braisonnec, temps m'attend. Thank you. C'est le moment de Brezhonek tant matin. Le petit dialogue, où est-ce qu'on va aujourd'hui, Henri? Alors, comme d'habitude, à Zantolok. À Zantolok, parce qu'il va y avoir bientôt, ben, le 1er mai, hein, en fait, le pardon de Saint-Hernin. Enfin, le premier dimanche de mai. Hein, qui tombe un dimanche. Qui tombe, oui, le premier dimanche de mai. Qui tombe un dimanche cette année. Qui tombe un dimanche et qui tombe le 1er mai. Qui tombe le 1er mai cette année. Voilà. Et donc, on va voir Iwan Ndu, qui est le recteur de Santol. D'accord, et c'est Chanuk qui va rencontrer Iwan. Voilà. Pénonce manquant, on en trouve personne. Matré, Chanuk, bravo et namzer. L'arrêt d'Inta. Tostad, ara, pardon de Zandern, ma chapelle Kérisel. Ya, Chanuk, pardon de Zandern. Vos prestig, Urzul, tient en mismé. Petra, vos grèves, vida, pardon. Oh, pardon de mot de cause, et un auvergne de beurre, à gun bouspère ou de naberdé, à gun tante à l'évêle juste, à waler, verroariou et vite didu indut, redat de guardrot, basiout, jéchon warre gordon, tulmen puis, à bob son roari et vel roari boulou. Ranti gazo et vide zanter? Ah, ya, zave doit bit quand de l'assaut, gant un autre ougrette, ou à personne bat zantol, ou à ton, logdat et mariam. Pessorton? Lugdat et Mariam, aïa, dissement. Aux Andernes, aux Andernes, tot par aux Antoleuk, Chilowet, miopet, pédun, au pugalé. Ah, voilà, velard. Zanderne, wagannen, guégel, breisveur, à Gabrielois de chôme braisisel. Avec un tap de discount, Valère. Aïe. Bravo, hein. Aïe, aïe, bravo. Pénonce manquant, notre personne. Oui, comment ça va, monsieur le recteur? Matré, Chanuk, à bravo, Namzer. Matré, très bien, à bravo, Namzer, il fait beau. L'aridinta, tostadara, pardon de Santerne, ma chapelle Kérisel. Oui, alors l'aridinta, dites-moi donc, hein. Tostadera, pardon de Zanderne, le pardon de Saint-Hernin approche dans la chapelle de Kérisel. Ah, y'a Chanuk, pardon de Zanderne, à vos prestiques. Arzulken tant mismé. Voilà. Oui, Chanuk, le pardon de Saint-Hernin sera bientôt le premier dimanche du mois de mai. Petra, vos grèves, vidar pardon. Oh, au pardon de mot de cause, et c'est un pardon à l'ancienne, mot de cause. Un offerme d'arbeuré. Ouais, la messe. Agargus Pérou de Nabardé. Et les vêpres l'après-midi. Agon Tantan, faites juste. Et puis le Tantan, bien sûr. A Warley, avec Roariou, vite didu indut. Ya, à Warley, avec Roariou, l'après-midi, donc il y a des jeux, et vite didu indut pour amuser les gens, pour les distraire. Reda, deck, voir droite. Oui, alors course à pied. Basiou. C'est moderne, ça se dit running, j'ai vu. Ah, ya, et Galek Monné. Galek Monné, oui. Basiout. Basiout, hein, donc Basiout, ça se traduit pas parce que. Sache en Wargordon. Ah, le tir à la corde. Ouais. Teller main poise. Ouais, le lancer de poids. Alors des poids de 20 kilos, là. Hein. Faut être sérieux. Ah, Huari Boulou, Belgique. Ouais, et puis des jeux de boules, bien sûr, quoi. Un concours de boules. Un cantique à zo et vide Zanterne. Ouais, il y a un cantique pour Saint-Herne. Ah, ya, ça avait des bêtes gandes. Il fait exprès pour le faire chanter, quoi. Bah, ouais. On a remarqué qu'il chantait facilement. Ouais. Ah, ya. Ça avait des bêtes gandes l'asso, gandes en autre ou grette, et oua personne, basantolek. Ouais, il a été fait il y a 100 ans, par l'abbé Le Grette, qui était recteur de Zantolok. Celui-là est passé à Pommeride, d'ailleurs. Il a été recteur à Pommeride. C'était un grand-oncle à Jeff Philippe, tiens, s'il nous écoute. Notre Grette. Wardon, Laudate et Mariam. Oui, sur l'air de Laudate et Mariam, hein, c'est un air latin qui est utilisé aussi pour les cantiques en breton. Ah bon, c'est bien. Pesserton. Oui, voilà. Et donc après, il chante, hein, l'air sur l'air de Laudate Mariam. Laudate, Laudate, hein, voilà. Il y a beaucoup de cantiques qui sont sur Saint-Briac, c'est sur cette terre-là aussi. Hein. C'est pas très gai. Hein? Oh, bah si, ça peut chanter. Bon. On peut chanter gaiement, allègrement. Allegro, ma non troppo. Bon, on en reste là, Henri. On passe à Petrazo de Vervo. Thank you. troisième partie de l'émission, Petra zo neve ar vro eri. Petra zo beneve ar vro kalz draou evel just bouervej diouzan. Krogom de diantan evel kustum gant ala bourdouar hag ur vue oa ar mez. Erruon bremañ ba kreiz neve amzan, l'ar fekenen me guire, mamez ma ne ke bet gwaldom en amzan betak bremañ. Me erru e bremañ ur houlz de gad amzan klouar. Pez vef e mad vid un trevad ou da skouer vid ar maïs hag betravez, pu dur prestig vo houlz de hard an eil. War da chen eo lañ bour douar, evel juz zo kudeñ ou eleiz an mar eman, ne ke ze vanka, hein. Pu dur zo kudeñ ou vid eus averien zout, vid eus averien hir, vid e nuo ou da skouer blan, war lan e vije kudeñ ou barmon war redier an nuo, a bremañ zo kudeñ ou barmon eñ re izel ur prijou. C'est tu quoi l'arrêt de bonne isolerie prise vie de harg ou bénéfine avec bonnes et orgues de nevi réseau sévelir plus dur on a comme zame de ce labour douar nevesos au bit de juste mot au prise au bureau de stall le roux plus dur n'engued trop nevetré stade le roux aura chicoré goudret hag pewan pewanio hag vije eve kalz chicoré dis roaz vegred hein, bon pudur mi blichtin ka un tom blaz chicoré pudur zeder jonge de ze lamp zo gwegel hag mord evit ur hier hein, pudur e gwellor lakad un tom chicoré a neptor gafe vek et tinder vus un dut hag peso fentus peve komz de ze chicoré ar stalz zo ba ar chi ba ben an ternonz bohal a oa bekrouet enfin oa ke bekrouet gant ar pot deus breiz met hat pren oa un tom stal bien oa zo a be hat prenet gant un den Alphonse Leroux oa deus douar nenez ni oa prenet stalz vide Ivab oa ive Alphonse Leroux hein. Hag setu oa non stal ya denan ba lantur noz brohal vidor chicoré. Chicoré veget gant gruizien deus ur blantan a zo tostre deus un andiv. Hag ve malet a rostet ban o vorn. Hag peso fentus war a pakat chicoré zezo ar plar gant dien deus evro am. Pudur ni oa laket bon un arouez deus e chicoré oa ur vamm benefin, mamm Alphonse Leroux, hag c'hoaz, ve gwell war a pakat chicoré ur plar gant diad deus gwaian en benefin, o diarn en galag. A setu. Bon, an tamm istor chicoré, hag ur stalz oa bet an tamm ba spir de patron yo Kristen puis j'en ai au abbé crew de Bastals au abbé crew de sorte sécurité sociale de Hulz vel longtemps vel ba nombrigère Godin puis réaliste ouais c'est us au paysiste or war chicoré quoi ne ce que tombe bête vie de chicoré un ton de half et zo mais ne ce que tombe bête vie de chicoré moyen veut fait bête d'or un ton vie de chicoré bon plus dur bénéfice chico half et vegré dans me braise à l'is vers hunter chicoré puis un tri hard vel remom gos mais me ce que bête clé quand on a un bête war chicoré bon peon comme zone tombe de ce embrigéré joueur justement ba douar nene a rezo zo begred un tom gwell de ce gwell belzo vi de zardinet pu dur quand a trugen lasso ou a krog au nom de ce bronaunet ou a de douar nene vi d'or hostal zardinet de la case zardinet ba ouest ou houarn hag hez oa chancerel oa an denz nang zo chomben hein. Hag hez ni oa krog torze, hag gwell re tout un traouz pe gontan deus e chicoré pe deus e zardin, ze oa ba koulz Napoléon III. Hag ba houlz Napoléon III zo bet gerdo bern traou, ba brohal vid un ekonomi ez. Bon da skouer tout un nintou arn oa non ledan de houlz, setu oa begret kalz draou vid un ekonomi ez. De diantantout, Stalio Sardine, bon, galerie de Badou Arnene, ouais, Zobé de Tierben Sardine, de Bénéfine, hein, capitale de la Sardine, ag, plus dur, Mamas de Zendud, Vela, Penzardine, hein. Ag, la rarène, ouais, que, quand on a une vie de Chicoré, vie de Sardine, ouais, quand on a une, plus dur, mère de Vigé, la bourrade, Banusino, Vigégué de, Frituria, Vigégué de Zenusino, Frituria, ag, mère de Zbid, Gand et non de la bourrade, a zo bet en rolle d'un blad en warze, ma son peus bekled, ou blad en chiktre, a zo le chant des sardinières, zo ged o neube blai o zo, da o pedri blasso, a zo, zo brotre. Bon, c'est tu même ken on tombe trop war, war friture en, hag war, war zardinen. Bon, il y a plusieurs comme je me un temps de ce blade en asie one casor bon dans mon temps vraiment voir d'achen politique et res ne ce que quoi le belzo seize des visibles le ouais au référendum babro Alsace et vite good again vgb de lac de sembles un d'au département hein rein u la guerre un isel hein ag rendre ag de jean vgb dans dravat. Mais de Jiwaz n'est que bévote quand on alsacien net, à c'est une voque grette, gouscoude, zévefébé de mode, ag, zévefébé d'au, au square, en vie de, rendre elle, vel braise en mais de bénéfine et d'or mode, oise au vége quand jacobine, hein, ag, chôme trop velmogne, à jouar, Jiwaz braise, vous compte même ce mot, à chôme trop, dis, comme je vais cal, j'avais juste de se dégriser, non, en marrément, mais bénéfine, et un trop, une pêche, hein, plusieurs, me sens une vie de cal, je trouve, au red, au gotas, d'auville seit, pis ou à l'air, mi ou à mi. Ag, bon, bénéfine, ne vaut que cal, je dra, hein, vide un dégriser, non, un acte triv, et velard, ag bénéfine, de se remener, et t'aimais au logoden. Velvelard, une gal, ag velour, quoi. Bon, dans mon temps, nous avons war d'achen, zévenadur. Il y a prestige, bah, mir die skol, bah, botoa, vos moyens de vel, on disquezadek, war, en mode, vigé gred, vidiski de merlio, en gruyat, bah, skol. Ag, bon, caradine, vos bras de vel, hein, à pévodigor, d'halomon, un dune, monde de vel, un disquezadek, bah, mir die botoa. Botoaz ou bas en Nicolas, Guéchel ou en Nicolas bas Botoa vraiment mon Botoa bas en Nicolas, je range un truc. Bon, tout d'un dû de ce vrai ne se bêt en ave de paysan en ave de mort puis bas son mode voir ici de Guadec, hein, peut dire un terroir Guadec, hein, Maïvon, Anastasie, Agla, Eugénie, ag vraiment vos grades bas carrés, hein. On delve no, au plus monument, hein, gant warez et gwadek. Azez au, bon, zevo gred gant arem, hein, galak velard bronze, hein, hag, von bras or vide warez et gwadek, hein, pu dur, me semble, un delve no rei, wardro daou met, hein, warez et gwadek, wan ketim bras, mais, hag, au monument, ya, hag, bon, rand vron, reier, rand, parouz, carez, a gretso, au goul en grand en dud, vid la kader, rand, quoi. Bon, c'est tu, vos gueld, war ez et gwadeg, war place mar, al din rand ba carez, quoi. Bon, hendel, bon, zo kal ze drog de l'arme, et ben vigel vous l'arrêt. Ah, c'est tu, là, rand tien à vaudar, Chilo Vera en Arcabé. Kenavoueri.